touch. Thank you. Rhizomatic System. System with you, my friend. You're my pillow. Après tout, ces sacrifices, devant l'évidence, cette qui déserte nos amis, nos frères, secours, mais tu consens, tu le sais, tu le sens. La vie est taille. Comme s'il en fallait plus. transformation. Yeah. Oh. Hey, hey, hey. Where do I start? Where do I begin? Where do I start? Where do I begin?